said it. Thank you. Hey, tu vois, Ben, toi, c'est revenu en mi blues, en mi mineur pentatonique. Parce que vous avez ça qui sonne dans les oreilles. Tout à l'heure, quand je jouais en E7, ça sonnait autrement. Et là, quand on change les accords, on revient là, toujours dans le blues. Et justement, si tu repasses la bande son, c'est mon backing track que j'avais tout à l'heure, là. Et ben on joue en E7 et quand tu passes au refrain, ça module, on revient en blues au refrain. Et par contre, tout ce qui est en E7 est joué en E7. C'est pas la même chose. Ben, quand t'es en E7, t'es en majeur, le refrain joue en mineur. C'est pour ça que ça revient avec les gammes de blues. Le refrain, quand tu fais le sol, le la, avec le mi, là, ça Sun Blues, donc ça se joue en Mi Minor Blues. Mais sinon, quand c'est un E7, c'est du majeur, E7. Et encore, je peux le jouer en mix lydien, mais sinon, on pourrait le jouer dans d'autres modes qui sont majeurs, quoi. Thank you.

Qui c'est qui vote et qui vote pas? I'm not the one. Thank you. copain. On t'entend pas. No sound, Robin. trompé d'accord. 2, 3, 4.